humains passants, où les survivants marchent au moment. Ne criez pas, c'est votre fond. Tous ces cons qui vous gâtent. Je m'en vais, mais mon sang, réveillez-vous. Je m'en vais, mais mon sang, réveillez-vous. Avant de mourir sans m'avoir rien fait, un jour viendra, qui sème la panique. D'un vrai ou d'un fort, qui s'y fait tous. Une fois c'est terminé, nous aurons gagné. Je m'en vais, mais mon sang, réveillez-vous. Je m'en vais, mais mon sang, révoltez-vous. Quand les héros auront combat, quand les héros seront enterrés, la vie reprendra le dessus et la liberté aussi. Nous c'est le moment, allez le dire en avant. Je m'en vais, mais mon sang, réveillez-vous. Je m'en vais, mais mon sang, réveillez-vous. L'enterre sera une mort de sang, où les survivants marcheront dedans. Ne criez pas, c'est